Je suis le verre, je suis la chair, je suis la peau et je suis les os, je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Qui fait Vladimir? Qui fait Vladimir? Et le Barnabé? Ils sont partis depuis bien longtemps. Qu'est-ce t'en dis, toi? Est-ce qu'on rentre dedans ou... et qu'on fait ce qu'elle nous a dit, la Vioc? La Vioc, elle a dit qu'on devait nous envoyer avec le Barnabé et le Vladimir pour aller chercher fusée dans l'antre de la maison des feuilles. Et qu'on est sur le seuil. Et je crois que le Barnabé, il est reparti. Soi-disant pour aller chercher de quoi nous protéger, mais il a dû se perdre en route, tu crois pas? J'en dis que tic-tac. Tu pourrais varier les plaisirs, hein? Si t'as rien de mieux à dire, bah moi, j'ai peut-être la trouille, mais... Bah demande à mon écureuil s'il s'est fait bouleter par des oiseaux. Tu crois qu'il y a des oiseaux qui se terrent dans la maison aux feuilles? Tu crois vraiment ça? Non, mais demande-lui, est-ce qu'il est mort? Non, il est toujours en vie. Il est... Et les oiseaux, ils ont toujours été à côté de lui? Ouais, mais il s'est pas éloigné de toi, il est tout le temps en train de cercer des coques. Là, il va falloir qu'on rentre dedans. C'est même pas s'il va te suivre. Tu crois qu'il va te suivre, toi? Bah oui. Ouais, ça, c'est ton illusion. C'est ton tic-tac qui tic-tac dans ta tête, hein. T'es toc-toc, ouais. Léonard toc-toc. Ouais, moi, ça me dit bien, Léonard toc-toc. C'est Léonard tic-tac. Mais non, c'est Léonard toc-toc, parce que t'es complètement sinoc d'abord. Non! Léonard tic-tac. Tic-tac. Elle nous a passé. Une petite fiole. Ah oh non, non, je vois pas. Je l'ai ouverte. Mais elle était précautionneuse, hein. Y a pas de saloperie qui est rentrée dedans. Juste. L'élixir qu'elle a préparé, la verseuse. La verseuse qui nous a lancé un sort. Mais on travaille pour elle maintenant. T'as toujours pas compris, TikTok le Sinoc? Eh ben, elle a fait ses abracadabra, abricadabrou, et on a notre petit élixir. Pile! Mange-le! Le truc noir là qui est par terre, face, je peux voir sa boue de magicienne. On fait comme ça? Bah, c'est tombé. Ah. Tiens. Non, je veux pas. Bah, pite, tu bois. Face, c'est moi. T'avais dit que... face. Bill. Tu vois, face, c'est moi. Non. Cochon qui s'en dédie. T'as même pas dit ça. Espèce de cochon menteur. Moi, je serai un menteux. Bah moi, oui. Je mens jamais. Jamais je mens. Et bah j'ai, si. J'ai la vérité sevillée au corps. Silhouette, on dit et quoi? Et j'en ai plein les pieds. Silhouette, on dit quoi? Tiens, Silhouette, porte-lui son élixir, il a perdu. Non. Allez. Cul mouillé, tu bois tout. C'est du Jésus-cuit en culotte de velours. Allez, fais pas ta misorée. Bois tout. Il va y avoir des saloperies qui rentrent dedans. Tu bois pas. T'es sûr que c'est pas du poison? Ah, c'est pas du poison. Elle a besoin de la fusée pour crever le bidon des mauvais nuages. Pour qu'on ait l'eau saine. Dégoûtant. Allez, bois. T'as oui. Fait semblant. C'était vu, c'était bien regardé. T'as fait semblant, t'as pas bu. Ah, mais je te vois, puis quand tu rigoles, ça se voit encore plus, hein. Et tu devrais le faire, hein, parce que Silhouette, quand même, je te ferais dire, il te l'a apporté. Hein. C'est que ça doit être rudement important que tu boives l'élixir de la verseuse. Parce que sinon, on va nous voir dans la maison des feuilles. On a beau être des fantômes au front troué, ça y est, on est ratiboisé. Et ben, si on boit pas ça, ils nous verront et ils nous poussifieront le cerveau. Plus de ciboulot. On a déjà plus de ciboulot. Bah, t'as pas dit TikTok depuis un moment, hein? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, hein? TikTok le sinoc. TikTok. Et si tu continues à tripoter le nez comme ça et à mentir comme ça, et ben ton nez va s'allonger et tu vas devenir une vilaine taupe, moi je dis. Allez, on se dépêche avant qu'on puisse pas accomplir la mission. Attention, tu vas renverser le précieux élixir. Allez, bois ça. Bois, te disent. Mais tu m'as déjà dit, c'est du Jésus-Christ. En culotte de velours, je te dis. C'est l'élixir qu'elle a préparé pour nous. Une culotte de velours? C'est-à-dire, elle a découpé sa culotte pour la mettre dedans? Dégoûtant. Mais non, c'est une expression. C'est un mot consacré. Alors c'est quoi? Bah, ce que je sais, moi. Je suis pas sorceleur, moi. Bah si, t'es sorceleur. Bah non, moi je suis une hantée comme toi. Allez, bois. Oh. Allez, bois. Je regarde. Je surveille ce que tu fais. Allez, dépêche-toi. Avant qu'on se fasse boussifier le ciboulot. Ah, ça y est, j'ai bu. Ah bah, t'as pas tout bu. Et il m'en reste. Alors, je vais être obligé de boire aussi. Hein, hein? On est copains. Tout est lié. Tu m'as empoisonné mes sangs. Arrête de te moquer de moi. J'y peux rien, moi, si j'ai un faute sur la langue. Avez vu faire les enfants de queue à la messe après que le vin du Jésus cuit en culotte de velours il a été bu, et ben il nettoie scrupuleusement. Alors moi j'ai pas de chemise, alors je prends ce que se trouve pour bien nettoyer notre fiole. Parce que après, on en aura besoin encore de la fiole. J'espère bien. Alors, c'est-il qu'on les attend ou on reste comme gros ans et on se fait boustifailler par les trucs qui traînent autour? On les attend. Hey, Je te confie la garde de la précieuse fiole Mavic. Parce que c'est moi qui l'ai gardé à l'aller, alors il est de bon ton que... Et toi, on échange les rôles. Tu surveilles ma rose des sables, mon caca de chameau. Non, j'en fais rien. Garde-la. Hein? C'est tout ce qu'il nous reste de vagabond. Paix à son âme. Depuis que le vagabond est parti, depuis que Petite n'est pas revenue, on s'ennuie grandement. C'est pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, moi. Pour être joué aux cartes? T'en as, toi? Bah, ça doit se trouver, il y a toutes sortes de choses. M'avance sans entrer dans la forêt. Peut-être la maison des feuilles. Mais déjà, j'ai trouvé des choses. Moi. C'est quoi ça? Un vœu tarot complètement oublié. Tout m'a gagné. On pourrait jouer avec le tarot. Tu sais jouer, toi? Non. Tiens. Oh tiens, on dirait mon ancien appât. Ah mais ça fait longtemps. Ah, il y a encore des ronces qui sont mis autour. Tiens. Tire une lame. Celle-là. Oh, j'en ai pris deux. T'en as pris deux? Sans faire exprès. Ah, moi j'en ai une alors. Qu'est-ce que c'est que c'est écrit? Oh là là là là là là là là là là là là. Il y a des choses dans les arbres qui nous surveillent, moi j'aime pas ça. C'est quoi? Bah, ça ressemble à un drôle d'oiseau, un de ces oiseaux qui se terrent dans les terriers. Moi je crois qu'il faudrait pas les attendre trop longtemps, hein, parce qu'il va nous arriver malheur, hein, moi je le dis. Bah moi j'ai le battleur. Il y a marqué en bas. Bah, moi j'arrive, je sais pas lire, alors je peux pas dire ce qu'il y a écrit. Il a un drôle de sa peau, ton bonhomme. Et toi, fais voir. Je t'ai dit, il y a une bestiole qui nous surveille, là, depuis les hauts des arbres. Je ne vois pas la bestiole depuis les hauts des arbres. Là, je te dis, là, regarde, cassé dans la forêt, au plus beau fond de la ténèbre. Et ben moi, je dis que si on reste là, sur le chemin... On fera pas bien. Et puis ton battleur, il est pas dehors. Regarde, il a des cornues. Que les cornues, c'est ce qu'elles servent, la vioque. Alors, on ferait bien d'aller et remplir la mission, hein. Je vois pas ses cornes. Les cornues? Non. Les cornues, c'est... C'est fiole. Il est dans la tanor, le battleur. Et qui dit qu'il est dans la tanor, ça veut dire qu'il est dans l'antre du sorcier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans l'antre du sorcier. Un caillou tout blanc, il est trop beau. On dirait une dent, mais c'est un caillou. T'es-tu sûr que c'est un caillou? Bah oui. C'est un pas... caillou transparent. Ce serait pas le croc d'un formidable vélociraptor qui voudrait nous bouffer les fesses. Mais ça n'existe plus. T'es sûr? Bah oui.